Marseille, capitale de la drogue. Peine à deux chiffres par le proc. Passe au charbon, c'est les soldes. Y'a la grosse queue devant le bloc. J'fume le bon jaune de la brica. PR à la guitare. Hey, j'arrive sur la guitare. Déstress, fais un pétard. Ça récupère des hasés. Y'a ce qu'il faut dans la carie. J'fume le bon jaune comme Kingston. John Doe, j'connais personne. John Wick, Smith Wesson. J'suis John Snow, dans Game of Thrones. Ça joue les empathonies. C'est juste des portefeuilles, oui. C'est pas de la belle Miami. C'est juste la bonne, bonne, bonne, bonne qui vient de l'évêque. Wow. Tu vas tout faire mais tu paries, j'apparais, disparais, tout ça me rend paro. Wow. J'ai dans mon l'échelle en public, en privé, au final tu connais les tarots. Wow. C'est pas l'école des points vitaux, chez nous c'est direct une balle dans cervicale. Wow. L'argent c'est très bien quand y'en a, mais quand y'en a pas ça devient très vite vital. Wow. Wow. Wow. Wow. Sors du bloc, ça fait wow. Viens d'en bas, ne me regarde pas de haut, ne fais pas de bruit, ça fait wow. J'déboule dans les tournants comme Valentino Rossi, j'arrive, ça fait wow. J'arrive en paix, j'repars cadavre au sang, j'suis obligé de les wow. Terrain, wow. Marseille, wow. Calage, wow. Mode rafale, ça fait wow. Pau pau pau, écoute pau pau pau pau, fils de pau pau pau pau, j'suis trop pau pau pau pau, merci pau pau pau pau, au revoir pau pau pau pau. Miami Vice, ça rafale en terrasse, posté au has, dis-moi ce qu'il te faut ma race, ça fait des casses en cascara et T-Max, ça joue au rami quand ça perd ça se schlasse. Posé au quartier, ma foi c'est ma vie, tous des hooligans, Marseille c'est ma ville, quand j'étais en chien j'ai pas vu. Pinel 12, N3, c'est l'asile, Marseille c'est magique. Tragique, on t'allume, tu t'éteins, ouais c'est automatique. I have the dream, gros c'est mathématique. Son instru, j't'entends pas quand t'es fantomatique. Que t'étais mini-cœur devant l'inspecteur. Ouais le quartier s'adore, mais je savoure. Ça lève un gros moteur dans le secteur. Hier encore j'avais 20 ans, comme Aznavour. Braquage vocal, braquage en Suisse. Arme russe, pas de couteau suisse. Bedin local, cleans dans la puce. Sous la capuche, au fond du bus. Et j'deviens fou, ouais fou. Y'a que le sky qui m'apaise. Chaque fois j'suis sous, sous. Ça rappe, j'suis chaud comme la presse. Gros c'est la soude. Oui la mentale vient du 13, ça veut tes sous, au fou, ça te braque pour tes mapesses. Un 3, un 3 guérilla, commando dans le série 4. J'fais que des braquages, ressourcé par la CIA. Trop peu shit ou ici y'a, nique les traites quoi qu'est-ce qu'il y a. Que des gaulois sous des kilas, moi j'm'en fous de ce que l'autre il a. Y'a des voyous même au village, des pitbulls et des armes dans la villa. Pousse-toi de là c'est la machina, y'a le mec Amila. Salomon j'ai choc, fais smiler. Fumette, j'ai plus l'heure qu'il est. Laisse-moi faire, je vais les killer. Une prod d'un mic, j'suis téléguidé. Recel, raquette, plan d'organiser. Je suis une belle de baliser. Tu veux tester cette balle ici. On rafale quand c'est pas visé. Tout au quête-quête dans la cuisine. Y'a des requins dans la piscine. On est très organisé. Comme des chinois à l'usine. N3 Marseille bariole. Rafale bécane bagnole. Accent Marcel Pagnol. Tu te manques gros tac Willy Sagnol. Pablo Tony Sosa. Ibril Rabra, ils aiment trop ça. Ça vient du sud à la Mendoza. Posé sur le Tertus avec Melosa. Bitch, que tu parles, cesse ton speech. Comme un inverse devenu sans bitch. Fils d'up si tu manques de respect. Ça tire dans les jambes pour que tu capiches. Tu veux la fraîche, t'es tout éclaté. A qui tu veux la faire valeur tâter. Que des acteurs, que des faux culs. Je sais que tu m'aimes pas, viens faire gâter. Que des traites dans la zone. Sur les sièges passagers, y'a le fer au cas où. Pas de confiance pour la somme. Pas de corazon. Ça rafale, y'a plus de coup par coup. Vais faire un tour dans la zone, je vais toucher, y'a de la bonne. Y'a du gras, y'a du jaune, Chris, garde-toi. On accepte tout le monde à part toi. Pas de pute dans le gang, Miami Vice, ça rafale en terrasse. Posté au has, dis-moi ce qu'il te faut ma race. Ça fait des casses, en cascara et T-Max. Ça joue au rami, quand ça perd ça se schlasse. À la patère, j'prends mon bout. J'pas trop tata, pète un coup. Un trois fiston, respecte-nous. Ça t'éteint, petit con, t'es plus debout. Ouais, j'vous êtes fou, détends-toi. Mate la gâchette et mon doigt. J'viens de croiser le petit cagoulé. Il me dit qu'il va se poster sur le toit. Tu vois, y'a pas, tu as faux de la maille. Fais ta replanquer sous la taille. Reste tranquille, parle pas chinois. Au risque de finir dans la malle. T'as vu l'approche, la pète en deux. J'découche, j'parle pas de pétanque. Sur son sel sud réuni, on arrive, crois pas que j'présente deux. Là, j'suis paré, bien préparé. J'monte le level crescendo. Qui t'arrive, j'prends pas de farine, j'reste un classique Nintendo. Et mon petit fait gaffe à ton dos. Ça te traque, j'parle pas de Colombo. Avec la poura de Colombie, ça débarque en mode Colombo. Relax, tranquillax. Nouveau T-Max, carré dans l'axe. Là j'suis au match, j'fais un attentat. J'sors du mur, j'déboule dans le tas. Ça fait ratata, ça fait ratata. J'en touche pas, je sais que tu bandes sur elle. La tapette peut être ton criminel. Chez nous tu sais que c'est réel. Chez nous tu sais que c'est réel. 13 organisé, un un. J'viens de guitariser, un un. Y'a les montards ici, un un. Faut pas s'éterniser, un un. OG, Versace, vers chez nous, viens s'attirer. Tranquille ou la Yachty. La drogue dans sa tati. Gadji, Bellucci. Au pire des cas, y'a le petit qui se voit dans ton Gucci. Miami Vice, sur sa rafale en terrasse. Posté au has, et dis-moi ce qu'il te faut ma race. Ça fait des casses, en casse-carrette et max. Ça joue au rame.